Ce n'est pas sur un coup de tête. Elle a tout préparé. Comme pour un jour de fête. Les au revoir sur du papier. Cinq ans à supporter. Les regards étonnés. Les clients hypnotisés par sa silhouette dessinée. Ça doit être le grand jour, la Mercedes démarre. Maintenant c'est son tour de laisser un verre vide sur le comptoir. Elle ne supporte plus ce vent qui brûle les yeux sournoisement. Les vieux murs couleur sang qui vident le cœur délicatement. Ça doit être le grand jour, la Mercedes démarre. Maintenant c'est son tour de laisser un verre vide sur le comptoir. Sur un tableau. Si la Mercedes ne suit pas la route précisée dans le contrat, elle imaginera encore une fois un autre plan de mauvais espoir. Ça doit être le grand jour, la Mercedes démarre. Maintenant c'est son tour de laisser un verre vide sur le comptoir. De laisser un verre vide sur le comptoir. De laisser un verre vide sur le comptoir.